blower. A lot of direction. Finalement, contre le vent. Allez, allez, allons. Finalement, allez, allez, allons. Contre le vent. Contre le vent, finalement, la horde s'organise. Contre le vent, finalement, s'organise. Suffit de faire attention aux sensations, aux touchés. Never found a way. Perché en haut, là on voudrait toujours être. Someone to love, someone to searching again. Something. Minimum. V. veiller dans les villes. C'est le repos éclairé, ni fièvre, ni langueur. Ok, pardon. En décalage. Even when I sleep, I just walk on the border. Even when I sleep, I just... What I need is over. Even when I sleep, I just walk on the... Yeah. Papa, papa, won't you be? Because I give you all my love, I give you all my soul. Give you all my love, give you all my soul. Even when I sleep, I just walk on the border. Yes, because we are about to create new situations. Challenge, jam session. Because we have the power. The power of the power plant. Power. When I sleep, I just walk on the border. Welcome back to the future, my future. musical. Aggiornamento. Even not. Even not. I make my aggiornamento. Even not. Even not, my lord. Even not. Do we? Refuser la mise à jour. Être obsolète. Après. Existence. We are born. Y, X, Y, Z. Au point où on en est, c'est plus un problème de génération. Au point où on en est, les gars, les filles. Hein. But to listen again. faire plein de choses. To make sound with keyboards, drums, bass, et ailleurs. dans le monde. Insurrection. There's a killer on the road. Thank you. ami, c'est que c'est du love. C'est que c'est de la confiance, de l'amour. Mon ami, ma soeur. Pour mes amis, à travers les frontières, les océans, l'espace et le temps. Du love pour ma famille, du love pour ma people, power, our power, we are the people. My people, le CSA, grâce à ça, gardez ma tenue de combat, fais gaffe à ton dos, protège tes abdos, tu vas cacher de leur fils, ils font pas de cadeau, mon fils. Du matin dans l'herbe, si j'ai du coup ce n'est guère que pour la terre. mes fins, tourner, PC, fin, de près des sons, attirer le gai venin des liserons. Salomon, le bouillon court sur la route, son air s'ébrouille. Aux hôtels de Salomon, ah, elle est retrouvée. Quoi? Éternité. C'est la mer mêlée. Soleil. Mon âme éternelle, observe ton vœu. Elle est retrouvée. Quoi? L'éternité. Suffrage communs élans. Quoi ? Tu voles selon quoi ? L'éternité, elle est retrouvée. Quoi ? Devins un opéra fabuleux. Je vis de tous les êtres une fatalité, bonheur. L'action n'est pas la vie, mais une façon de cacher quelque force, l'énervement. L'éternité, c'est le ciel, la mer, mais oui, tranquille, fiston, tranquille. Quoi, l'éternité, tu voles selon. L'éternité, elle est retrouvée. Quoi, tu voles selon toi.